Chapitre 2 Si vous voulez me suivre maintenant, dit le géant qui reprit haleine, vous allez traverser avec moi ce monde curieux qu'ont mal connu vos romanciers et que calomnie toujours la tradition. J'en sais les joies étranges, les secrets comiques. Ce que je vous raconterai sera vrai. Je l'aurai fait, ou tout au moins vu, j'en ai vécu et j'en mourrai. Je serai peut-être albinos à ce moment-là, pour utiliser mes cheveux blancs. Puisque nous sommes par les chemins, je vous parlerai d'abord du voyage. Vous en avez vu passer de ces caravanes, nom poétique de la maison qui marche. On dirait un fourgon qui emporte les vaincus dans l'exil. Parfois, une fenêtre de la prison qui roule s'entr'ouvre et laisse passer un front bizarre. C'est un des hôtes qui prend l'air. Demain, il faudra qu'il se cache. Ici, dans le silence, sur le chemin désert, il peut lever la tête au ciel, hausse sublime, nul ne le voit que le Dieu juste qui en a fait un monstre. Par intervalle, on croit entendre un bêlement, un grognement ensuite. C'est la bête curieuse, chrétien ou phoque, qui demande son pain. Aux portes des villes, on s'arrête. On attache le cheval à un arbre avec un bout de corde, à l'endroit où l'herbe est moins pâle. Il ronge les racines, lèche la terre. Les enfants vont aux environs couper la folle avoine, ramassent les branches fraîches pour l'écurie et du bois mort pour la cuisine. On allume le feu et l'on mange, ce que l'on a. On disloque un peu les moutards, on époussette les phénomènes et l'on rentre dans la voiture. On tire le rideau et l'on dort. Le soleil se lève, on se remet en route. C'est demain la foire, il faut avoir sa place. Aller voir le maire, dresser son théâtre, gagner sa vie. Ceci est la caravane des commerçants ou des ruinés, de ceux qui se montent ou de ceux qui meurent, qui n'ont plus la vogue, qu'on trouve trop vieux ou trop triste, dont les veaux sont pelés, les trompes cornues, les bras usés. C'est un berceau ou une tombe, cela roule vers la fortune ou vers l'abîme, à la grâce de Dieu, au hasard du monstre. La caravane des arrivées est autre chose. Elle est traînée par les chevaux qui ont eu l'honneur de travailler devant les têtes couronnées ou qu'on loue ad hoc dans le village ou dans la ville. Il y a chambre à coucher, cuisine, salon, des poêles, une cheminée, un coin du feu. On s'y visite, on y reçoit. C'est propre, bien frotté, ciré, tapissé. « Tenez, » fit le géant en prenant sur un des rayons de sa petite bibliothèque un papier crasseux. Voilà le plan et le règlement de ces roulottes dans lesquelles j'ai travaillé. Je pris le chiffon, le dépliai, et le voici avec des explications et son orthographe. Voiture de bissonnier, dit barbe sale. Théâtre patinier. 6 mètres de longueur, 2 de largeur et 2 de hauteur divisés en 2 chambres. La première à 3 mètres 50 centimètres de long, c'est la cuisine et la salle à manger. Ameublement, une table, 4 chaises de forme longue et étroite, servant de siège et propre à recevoir des effets et autres ustensiles, et à cause de cela appelé banc-coffre. Un fourneau dit cuisinière, 2 garde-manger ou buffets en placard, un règlement pour assurer le bon ordre dans l'administration. Deuxième chambre. Elle communique avec la première par une porte à 2 battants, longueur 2 mètres 50 centimètres. Au fond, un lit pour 2 personnes. Cette chambre, comme la première, est éclairée par 6 vasistas de 45 cm². Cette voiture est couverte en bois, à plateforme et d'une manière toute particulière. Soit par l'originalité, soit en connaissance de cause de la part d'un constructeur, ce sont 600 petites lattes de 2 cm sur 1 d'épaisseur, jointes ensemble par 40 pointes chacune, soit 24 000 pointes. Une couche de peinture donne à ce plafond l'aspect du plâtre. La voiture dont nous donnons la description est montée sur 4 roues et sur 6 ressorts. Il y en a une autre en tout semblable, avec cette différence que la première chambre sert de magasin de décor, la seconde est la chambre à coucher des hommes employés dans l'établissement. Au-dessus de la porte, on lit le règlement suivant. Article 1er. Tout employé devra balayer la voiture à tour de rôle avant 10 heures du matin, sous peine de 15 centimes d'amende. Article 2. Chaque employé est tenu de faire son lit avant 10 heures, sous peine de 10 centimes d'amende. Article 3. Pour ne pas remettre les objets nécessaires à la toilette en place après s'en être servi, 5 centimes d'amende. Article 4. Lors de leur coucher, les employés ne pourront laisser brûler la lumière plus de 15 minutes, sous peine de 10 centimes d'amende. Article 5. Pour fumer dans la voiture, 10 centimes d'amende. Dans ce second compartiment de 2 mètres 50 cm, 4 lits à une personne sont établis. Voilà la cage et le programme. Cette cage, on l'aime. Ce programme, il est respecté. Et tout le monde vit en bonne intelligence dans la maison. Les ours se mêlent à vos jeux, le tigre s'étire entre vos jambes, et le nain en compte de bonnes. On fait des nouvelles à la patte. Le matériel, dit le satou, composé des décors, des planches, arrive par les chemins de fer. C'est ainsi que voyagent les laroches, les cocheries, les patinois, etc., etc. Ils descendent à l'hôtel, ceux-là. Les autres, plus pauvres, vont à la piaule. La piaule, c'est l'auberge qui accepte les bohémiens. Ils s'arrêtent dans la cour noire, la voiture éreintée, acculent contre un mur leur maison, le baquet du phoque ou le lit de l'hydrocéphale. Quand ils peuvent, ils campent dans les terrains vagues ou s'installent tout de suite sur le champ de foire, descendent le poêle, étalent le linge, font sauter les enfants, griller les boudins. On entend la toux du colosse, le chant du beurre, l'aboiement des chiens. Il y a les billas, ensuite, ceux qui portent avec eux leur fortune, le saltimbanque qui va, la caisse au dos, traînant derrière lui son ours, enfant ou singe, parent ou quadrupède. En bottine à peau de lapin, culotte bouffante, maillot rose sous sa blouse bleue, dévorant la route, le regard morne, le ventre creux, n'ayant encore de la journée et avalé que des sabres. C'est quelquefois toute une famille qui le suit, femme en haillons, moutard pieds nus. Il en jette un en croix sur son cou et l'autre à califourchon sur la caisse. Il hume l'air, il interroge l'horizon. Le vent souffle, le ciel est rouge. Ah, s'il allait pleuvoir demain! La pluie, c'est l'ennemi, la misère, la faim. Plus de paysans sur les places, de badauds dans les foires. Si vous saviez ce qu'on pense du ciel dans notre bohème quand il lansquine, tel est le voyage. Voilà la vie que j'ai menée pendant 4 ans. En amateur, les premiers temps, comme les princes russes suivent les écuyères. Plus tard, pour vivre et rester près d'elles. Je devais en arriver là, et la chute n'était pas difficile à prévoir. J'étais parti avec 1 millier de francs. Ils me durèrent quelques mois. Un beau jour, je me trouvai en face du dernier louis. Que faire? Je n'y avais pas encore songé. Forcé d'y songer maintenant. La quitter, rentrer au pays, il était temps encore. J'essayais. Je fis 2 lieues en arrière le soir dans les champs, courant à perdre haleine. Mais l'anneau était bien rivé, la chaîne clouée au cœur, et je m'arrêtai tout d'un coup. Je regardais là-bas, du côté de la plaine, la route blanche, les arbres verts. Je n'avais qu'à marcher 10 heures, 1 jour. Et le lendemain soir, j'étais au village. Ma vieille mère m'embrassait. Je revins. Je revins vers le champ de foire et me glissai dans la voiture. Et le lendemain, pauvre lâche, je mentis pour rester. Je dis, je crois, que l'hôtel était plein ou peut-être trop cher. Rosita, d'ailleurs, n'insista point. Et je m'installai dans la maison. Le voyage avait été bon. La troupe Ferrani avait la vogue et l'on avait pu joindre des phénomènes méritoires au personnel déjà connu. Mon amour fainéant s'autorisa de ses bonheurs, et je vécus, à la table commune, des miettes de la ménagerie. Dans ma honte à manger de ce pain non gagné, m'ingéniant à payer ma dette, mettant la main à la besogne, aidant le soir à clouer les planches, à tendre les toiles, hissant des tableaux. Pendant les représentations, je m'enfonçais dans la voiture, comme pour lire, et tandis que Rosita suait à soulever les cieux ou à faire valser des sapeurs, je restais là, anéanti et comme un fou, battant de mes doigts maigres sur le ventre brun des tambours, des airs que je ne connaissais pas. Mais le vent tourna. La pluie, l'affreuse pluie, vint noyer au berceau la fortune de la troupe. Cette année-là mit sur la paille tous ceux qui, dans le monde des saltimbanques, n'avaient pas de l'argent et du temps devant eux. sur le champ de foire où nous étions, la misère s'abattit plus terrible qu'ailleurs. Et un matin, chez nous, on échangea le vieux percheron qui conduisait la caravane contre un cheval aveugle qu'il fallait mener par la bride et qui nous a traîné, la pauvre bête, par de bien pénibles chemins. Rosita ne disait rien. Se croyait-elle riche encore? Avait-elle honte, pitié? Je n'osais me demander compte de son silence. Un jour pourtant, dans la baraque voisine, un enfant colosse était mort de faim. Depuis 2 jours, personne n'avait mangé dans la voiture pour donner sa part à la bête humaine, leur pièce de résistance, leur dernier gagne-pain. Masse de chair vivante, il fallait, pour qu'elle vécût, lui jeter comme au fond d'un four des quartiers de chair fraîche, des tourtes de 6 livres. L'argent avait manqué pour acheter le pain, la viande, et dans la nuit, le colosse avait rendu ce qu'il avait d'âme. On reçut cette nouvelle avec terreur chez Rosita, et le soir, quand je me mis à table, les monstres me regardèrent de travers. Misérables, je mangeais leur part. On rognait sur leur nourriture pour me donner la mienne. J'achevais le vin du radeau. Il fallait cette fois quitter la place. Mais était-ce possible à présent? Partir comme le chien qui n'a plus d'os, partir quand venait la famine? Partir, lui devant ma soupe et ma viande d'un mois, comme un ingrat, un lâche? Je ne partis point, et aujourd'hui même que j'ai tant souffert de n'avoir pas fui, je ne regrette pas d'être resté. Il aurait fallu qu'il n'y eût pas sur elle le fardeau lourd de la misère, sur moi celui plus lourd de la reconnaissance. Je fondis en larmes, désespéré, et le bruit de mes sanglots attira Rosita. Je me jetai dans ses bras comme un enfant, lui demandant pardon, avouant ma détresse. « Je le savais, dit-elle. » Et elle ajouta avec mélancolie, « Il faut partir chez ta mère. » Ce mot de départ tombant de ses lèvres me rattacha au lieu de m'éloigner. Je me cramponnais comme un noyé à mon amour malade et je la suppliais de me garder. Elle disait « Oui, mais moi je demandais « Comment ?»« Il y a un moyen, fit-elle. « Parle !» Elle hésita un instant, me fixa, puis dit « Fais-toi géant !»« Géant ?» J'avais donc été au collège, j'avais traduit Virgile et lu Platon pour être géant, à 3 sous les bourgeois, 2 sous messieurs les militaires et les bonnes d'enfants. Et pourtant, que faire de mieux? Je restais près d'elle. Au lieu d'être à sa charge, j'amenais l'argent dans la caravane, je payais ma dette. J'étais plus que l'amant, presque le mari. Pour tout cela, que fallait-il? M'habiller en général, mettre un colbac sur ma tête et un bésic dans mes bottes. Le dimanche suivant, à la foire de Torigny, on m'annonçait à la foule comme l'homme le plus grand du siècle. « Le croiriez-vous ? » fit le géant dont la figure se dérida. « Ma résolution ne me coûta pas grand soupir. Les premiers temps furent moins pénibles que vous n'auriez pu le croire, presque gais. J'étais déjà fait à cette vie, le dernier mois passé dans la baraque m'avait aguerri autant qu'humilié. Et puis, on prend vite le mépris de la foule dans ce métier où la foule doit être dupe. Ma crainte d'être reconnue tomba avec mes cheveux longs et ma barbe claire, et le plus espiègle de mes élèves n'aurait pas reconnu dans le géant de la foire l'ancien professeur de collège. Derrière mon masque de fard et de plâtre, je vivais tranquille, caché dans mon amour sauvage. Devant le public, je posais, et de mon théâtre qui montait en fuyant, il m'arrivait de faire une chaire de langue, d'où j'embarrassais les pions sales et les professeurs bêtes. Les blouses applaudissaient, et sur chaque champ de foire, j'avais mon mois de popularité. Dans notre monde, j'étais un aigle. Je donnais des consultations, je rédigeais les boniments, je faisais des pièces pour les spectacles en plein vent, des parodies pour les bons pitres, et les femmes sauvages et autres me regardaient du coin de l'œil et enviaient le bonheur de Rosita. Elle, fière de moi, me couvrait de caresses. « Comme tu es savant, » me disait-elle en grimpant jusqu'à mon colbac. Je me faisais tout petit et l'embrassais. Elle devint enceinte à ce moment. Ce fut une grande joie dans la baraque. Nous étions presque riches déjà. L'avenir s'ouvrait tout heureux devant nous. Pour peu qu'ils aient un monstre, disaient les voisins, leur affaire est faite. Qu'elle aille à Beaucaire. L'entresort y est beau cette année. Si elle pouvait se graver l'enfant poisson. Dieu merci, elle ne se grava ni celui-ci ni d'autre, et elle mit au monde une petite fille jolie comme un amour, et droite comme un i, qui fut baptisée bel et bien, qu'on appela Rosita à l'église, et dans la baraque Violette, c'est-à-dire qui fleurit à l'ombre. Je vous dirai plus tard ce qu'elle est devenue. Le géant passa la main sur son front, comme pour chasser un souvenir douloureux, et continua. Nous fîmes ainsi tout l'est de la France. Nous allâmes en Belgique et en Hollande, où mon succès fut grand. Rosita avait laissé reposer son essieu, et, en costume de ville, se tenait à la porte pour aboyer, c'est-à-dire appeler la foule, amorcer le trait. Elle aboyait comme une chienne anglaise, et répétait crânement les phrases à effet que je lui taillais le soir dans la voiture, tandis qu'elle comptait les recettes du jour ou raccommodait les hardes des phénomènes endormis. Notre caravane avait grandi et la maison s'était montée. Nous venions d'ajouter à notre troupe l'homme squelette. « Celui qui était il y a 10 ans à Paris, quai d'Austerlitz ? » fis-je en interrompant le géant. « Celui-là même ? Vous l'avez connu, ce spectre ? Quand il tirait le rideau derrière lequel grognait son agonie, j'ai vu des hommes se reculer, tout pâles, et passer la main effarée sur leur front. Fantômes noirs, décharnés, dont les os jaunes claquaient en se touchant, et qui vous remuaient les entrailles, rien qu'à dire de sa voix éteinte et rauque, « Je n'ai pas dormi depuis 10 ans. » Il dormait pourtant. Un jour, nous descendions une rivière de Hollande, tous trois sur le pont du bateau, Rosita, lui et moi. Je me tenais assis pour paraître moins grand. L'homme squelette s'était roulé à mes pieds sous des voiles. On savait sur le bateau qu'il était là, et l'on en parlait autour de nous. On discutait son insomnie, on pariait pour, on pariait contre. Mais voilà qu'au milieu de la discussion, un bruit monotone et régulier s'élève, de dessous les voiles, bruit connu qui fit dresser toutes les oreilles. « C'est le squelette qui ronfle !» cria la galerie. C'était lui, nous le savions bien. Mais Rosita, tirant un canif de sa poche, en plantait la lame dans un os du monstre, qui se redressait sur son séant, et, comprenant d'instinct les yeux fixes, jetait pour réponse aux rieurs effrayés son boniment funèbre et répétait en retombant épuisé « Je ne dors pas depuis 10 ans. » Le secret de son insomnie, il était dans la force terrible de résistance et dans son épouvantable énergie. Il y avait une âme dans ce cadavre. C'était un homme, ce fantôme. Il sut mentir jusqu'à fatiguer la patience et même égarer le génie. Il a mis les sceptiques au défi, les savants à quilla, tromper la police, rouler la science. Nous seuls et sa maîtresse, nous l'avions vu dormir. « Sa maîtresse ? » demandai-je au géant épouvanté. « Oui, sa maîtresse, dont il eut des enfants, et qu'il battait le soir quand elle lui cachait l'eau-de-vie. L'eau-de-vie qui était l'huile de cette lampe, qui soutenait cette agonie. Sans ses vices, peut-être il vivrait encore. Il est mort d'avoir trop bu et trop aimé. Tôt ou tard, pourtant, il serait tombé épuisé, car le secret de sa maigreur étrange était dans un mal affreux, une tumeur sous la cheville gauche qui mangeait sa chair et buvait son sang. Un jour, cependant, la plaie n'eut plus rien à dévorer. La vie s'était écoulée tout entière par le trou noir de sa blessure, et il tomba comme un arbre mort. Il a rendu le dernier soupir en 1850, à l'hôpital Necker, où nous le fîmes transporter. Il dort maintenant. Nous le regrettâmes amèrement, car il avait presque fait notre fortune. Le lendemain de l'enterrement, Barnum, le grand Barnum que vous ne connaissez que par les livres, mais qui, avec nous autres banquistes, nous avons trinqué, me faisait offrir les sauvages que vous avez vus jadis à l'hippodrome. De vrais sauvages, cette fois, qu'il avait arrachés là-bas à leur patrie et traînés pour les exhiber sous le ciel triste de l'Europe. Ils étaient 8, conduits par un vieux nègre, qui pouvait seul se faire comprendre d'eux grâce à quelques bribes de je ne sais quel jargon qu'il avait appris sur un navire, dont, entre parenthèses, il avait tué le capitaine et mutilé le lieutenant. Nature cruelle et froide, il menait au bâton cette escouade d'exilés. Laid, du reste, et bien triste, ces fils des lointaines forêts. Pour remplacer le soleil ardent de leur pays, il fallait entretenir autour d'eux des brasiers rouges, auxquels ils venaient griller leurs jambes et leurs bras amaigris. Il fallait aussi, pour éteindre leur rugissement, verser du feu dans leur poitrine et leur donner du gin à boire. Le nègre était leur porte-voix et mettait sa joie à exciter leur lugubre débauche. Si je résistais, il retournait muet et humble vers ses esclaves. Mais la nuit suivante, on entendait dans la baraque des cris terribles, des hurlements affreux. C'étaient les Caraïbes, poussés par leurs noirs truchements, qui demandaient du tabac ou du gin, et il fallait céder ou ils eussent mis en pièces prison et geôlier. Toutefois, avec les Caraïbes et moi, je me montrais toujours comme géant, la troupe allait son petit train. Tout eût été pour le mieux si nous avions pu nous débarrasser du nègre assassin. Je lui parlais un matin de nous quitter. Le soir même, le feu prit à la baraque, et au milieu des hurlements féroces des Caraïbes, qu'il fallut faire chasser comme des ours et ramener par des soldats, nous vîmes les flammes dévorer notre pauvre caravane avec ce qu'elle contenait. Costume, toile, accessoires, tout disparut, jusqu'à un portefeuille où étaient serrés quelques billets de banque que j'allais chercher, les pieds dans le feu, mais en vain. Je vis, au moment où je sautais dans le brasier pour y fouiller, les lèvres noires du nègre s'écarter et sa prunelle s'agrandir. C'est lui, j'y parierais ma tête, qui avait préparé le crime. Il avait juré là-bas, sur le grand rivage, au bord de quelques tombes, haine, haine éternelle aux blancs. Il ne revit pas son pays, chargé des chevelures de ceux qu'il avait ruinés ou tués. Un jour, un des sauvages, ayant la nostalgie du sang, lui ouvrit les entrailles. Pour nous, nous nous trouvâmes du jour au lendemain sans un sou, sans rien, pas même nos costumes de banque pour faire notre métier. Nous laissâmes partir le nègre et les sauvages que nous ne pouvions plus garder, nourrir, payer, et nous vendîmes le cheval aveugle. Pauvre bête, quand nous la quittâmes, comme si elle sentait que nous l'abandonnions, elle tourna vers nous en gémissant ses grands yeux morts, où l'on eût dit qu'il y avait des larmes. Puis commença la vie de misère comique que je voudrais recommencer. Oh, le bon temps où il n'y avait que moi pour la consoler et mes 2,40 mètres pour la soutenir. Lorsque nous nous trouvâmes seuls le soir du désastre, ce fut un pénible moment. Mais la porte du grenier où nous apportâmes nos dernières barres d'une fois fermée, elle se jeta à mon cou en me disant « Eh bien, le grand !» À ces mots dits d'une voix triste, mon cœur tressaillait de joie, et je ne changerai pas contre les jours les plus beaux des riches le souvenir des temps qui ont suivi cette ruine. Le lendemain, je m'y rosita en couleur.